Une question. Est-il nécessaire de piétiner l'ego de quelqu'un pour le faire évoluer? Oh! Est-il nécessaire de piétiner l'ego de quelqu'un pour le faire évoluer? Il est nécessaire de piétiner son ego pour son évolution. Piétiner l'ego d'autrui pour le faire évoluer, c'est s'égoïser au bout. On n'a pas à s'occuper de l'évolution d'autrui. On n'a pas à s'occuper de faire évoluer quelqu'un. Ça, c'est l'apanage des imbéciles maîtres. C'est l'apanage des gourous. Et encore là, faut que le gourou aille chercher ses disciples. Non, quand un humain comprend tellement peu l'écosystème de l'évolution de notre planète, qu'il ose prétendre qu'un tel a besoin de telle leçon, c'est un être hautement luciférien. Moi, je fais des conférences, les gens viennent. Ceux qui ne viennent pas, je ne vais pas les chercher. Et je ne dis jamais à une personne ce qu'il doit faire pour évoluer. Oh non, et ceux qui me voient après les conférences, qui viennent jaser avec moi de temps en temps, sont souvent frustrés que je leur réponde « Continue à faire ce que tu fais. » Il n'est pas nécessaire de piler sur l'ego d'un autre pour le faire évoluer. C'est la meilleure façon de s'en faire un ennemi. Son ego est le problème, pas l'ego d'autrui. On dit que l'époque d'airain est l'avant-dernière de l'humanité. Est-ce que nous sommes encore dans cette époque et quelle est la dernière? Non, l'époque d'airain est passée, finie. Depuis près de 2000 ans, on fait même plus. On est présentement dans l'âge de fer, le Kali Yuga en termes ariens. L'âge de fer est divisé en quatre étapes massives. Un âge d'or de l'âge de fer, un âge d'argent de l'âge de fer, un âge d'airain de l'âge de fer et un âge de fer de l'âge de fer. Kali, le mal, Yuga, l'âge. L'âge du mal, l'âge de fer. Présentement, nous nous retrouvons dans l'âge de fer, de l'âge de fer, dans l'âge du mal, de l'âge du mal. L'âge des reins était l'âge qui a, l'air qui a précédé celle du fer. L'ère du fer dure, disons, quatre fois moins longtemps que l'âge d'or. L'âge des reins dure la moitié du temps de l'âge d'or. L'âge d'argent dure trois quarts du temps de l'âge d'or et l'âge d'or dure une fois le temps de l'âge d'or. Nous sommes présentement à la fin de l'âge de fer et d'ici quelques années, donc très peu de temps d'ailleurs, presque d'ici en dedans de 1000 ans, nous aurons pénétré de plein fouet l'âge d'or. D'ici les quelques années qui viennent, il y aura un mélange entre l'âge de fer et l'âge d'or, une période de transition. L'âge d'or est celle qui vient, l'âge de fer est celle dans laquelle nous sommes, et l'âge de rein est celle qui a précédé. L'homme évolue à travers ses expériences. Comment évolue la conscience supramentale? L'homme n'évolue pas à travers ses expériences. L'homme s'amuse à travers ses expériences. L'homme se considère à travers ses expériences. L'homme se sécurise à travers ses expériences. L'homme supporte sa condition d'ignorant à travers ses expériences. La condition supramentale ou l'évolution supramentale est une évolution anévolutive. Ce n'est pas une évolution. C'est une présence qui, lorsqu'elle peut être exprimée par l'humain, donne l'illusion de l'évolution. L'homme n'évolue pas par ses expériences. L'homme s'ennuie, l'homme se plaît, l'homme passe son temps. Et pendant que l'homme est occupé par la jouissance inerte de ses expériences, le corps physique est manipulé par les forces astrales, assujetti au contingent supramental, l'intelligence ou l'esprit. Et pendant que l'homme s'occupe de cette illusoire évolution de l'âme, il évolue réellement au niveau des plans biologiques, au niveau des plans vitaux, au niveau des plans périsphériques, au niveau des plans séraphiques, mentaux et au niveau des plans supramentaux. La conscience supramentale n'évolue pas. Elle est exprimée par l'homme et lorsqu'elle est exprimée par l'homme, l'expression donne l'illusion de l'évolution. On pourrait dire, avec une juste valeur, que l'expression de l'intelligence supramentale évolue. Parce que l'homme réel évolue, pas par son expérience, par la vie. Et la vie instantanée, pas l'expérience, pas le fait de mémoriser. Parce que l'homme mémorise, il n'évolue pas. Il a l'impression d'évoluer parce qu'il est convaincu que l'accumulation de mémoire est de l'évolution théologique. Tu connais toute la Bible, de l'évolution cartésienne, tu connais tout le tableau périodique. L'énergie supramentale n'évolue pas. Elle est en phase de propagande ou de propagation dans cet univers, et lorsqu'elle s'approche de phénomènes comme le plan planétaire, elle baisse sa vibration, donc elle évolue. Elle évolue dans la relativité visuelle du monde de notre planète. Elle n'évolue pas dans la réalité cosmique. La conscience supramentale n'évolue pas. Elle touche l'homme, elle peut être exprimée par un homme qui lui évolue à son insu par transformation biologique. Quelle que soit l'évolution que l'homme fait, cette évolution doit être cellularisée, c'est-à-dire que le code ADNique doit prendre connaissance de la mutation transformative de l'humain. L'évolution ne se fait pas dans la mémoire de l'homme. Toute évolution qui habite un humain et qui ne peut pas être transmise par la génétique est une évolution qui n'a servi à rien au niveau des plans de l'évolution. C'est une évolution qui servira au niveau de la mémoire astrale en termes de consistance, de stagnation, de temporisation évolutive des humanités. Toute forme d'évolution qui ne peut être transmise par la génétique et qui n'est transmise que par la tradition n'est pas une évolution. C'est une expérientiation. Ce n'est pas une évolution, ce n'est pas évolutif. Depuis 2000 ans, depuis 30 000 ans même, on parle de la voie du juste milieu. L'être humain apprend des choses, mais l'être humain n'arrive pas à les vivre parce que ses apprentissages ne sont pas cellularisés. Le code génétique n'est pas au courant. Ce n'est pas transmissible par la génétique aux enfants. Ce n'est transmissible que par l'éducation. Ce n'est pas de l'évolution. Est-ce que le sentiment, comme tu l'entends, est une forme de méditation vivante? Ça dépend de ce qu'on entend par méditation. Méditation vivante, cela veut dire que l'être humain peut dire que l'être humain dans une méditation vivante est dans l'observation anégoïque, dans l'observation inconsciente, égoïquement, d'un sentiment. Alors, on peut dire que le sentiment serait une méditation vivante. Mais une méditation vivante, ce n'est pas s'écraser les fesses sur un coussin et observer une rose ou un excrément et triper dessus. La méditation vivante, la perception des sentiments se fait pendant du jogging, se fait pendant l'escalade, se fait pendant la course automobile, se fait tout le temps. C'est la relation instantanée. Instantanée veut dire plus qu'immédiate. Instantané entre l'observateur et la chose observée, ce qui permet la dissolution complète et de l'observateur et de la chose observée par fusion énergétique, le sentiment ou la méditation vivante entre ces choses. De ce point de vue, celui qui vit cela renaît continuellement avec la chose, il connaît avec la chose, et c'est ce que nous appelons le savoir. Il sait la chose. De quel groupe faites-vous partie? Quels sont vos buts visés par vos conférences et quel est votre chemin d'évolution? Bon, une question à la fois. De quel groupe faites-vous partie? De mon propre groupe, où je suis tout seul dedans. Et il y a déjà tellement de monde et tellement pas assez de place que je ne peux pas accepter personne d'autre. Quels sont vos buts visés par vos conférences? Ah, je n'ai aucune idée de ce que les conférences ont comme but lorsqu'elles visent. Moi, personnellement, je fais des conférences parce que lorsque je réponds aux questions, ça me permet d'exprimer l'intelligence instantanée. Donc, j'instruis mon ego, je parfais ma mutation et je parfais ma fusion. Je fais donc des conférences pour moi. Quel est votre chemin d'évolution? C'est en plein ça. C'est mon chemin. J'aime manger. Mais de plus en plus, le choix de ma nourriture est difficile. Quoi faire? Manger moins. La société, présentement, n'est pas conçue pour ceux qui veulent convenablement bien manger. Je crois que lorsque l'on décide de choisir sa nourriture convenablement, on va souffrir un peu. Quoi faire? Continuez à faire ce que vous faites. Vous aurez la solution. L'éducation des enfants dans sa qualité est-elle soumise au degré d'évolution des parents? Tel parent, tel enfant. En tant que mère, est-ce que je peux donner à mon enfant ce que je n'ai pas? On doit laisser l'enfant prendre ce qu'il a. On ne donne pas à quelqu'un quoi que ce soit. On se met disponible et la personne, si elle en a réellement besoin, elle va venir se servir. De décider qu'est-ce qu'une personne a besoin, ce n'est pas extrêmement génial. Parce que cela veut dire que nous, en tant qu'éducateurs, nous ne savons même pas ce que nous avons besoin, mais nous prétendons savoir ce que l'enfant a besoin. C'est un gros problème et un danger au niveau de l'éducation. Tel enfant, tel parent, c'est faux. Il y aura évidemment des colorations programmatives entre les parents et l'enfant, mais sachez une chose, le grand-parent d'un enfant, c'est la société. Telle société, tel phénomène événementiel, tel enfant. Est-ce que le temps est maintenant venu pour les grands initiés de venir faire le travail en fonction de la nouvelle race? Vont-ils revenir? Non, le temps n'est pas venu encore pour les grands initiés parce que nos maisons ont encore des plafonds qui se situent dans les 8 pieds. Alors, les grands initiés ne pourraient pas rentrer dans ces maisons, ne pourraient pas prendre du métro. Ils sont trop grands. Le temps n'est pas venu pour la simple raison que plus les temps vont avancer, plus les grands initiés devront se cacher. Le grand initié, c'est un être que vous ne connaissez pas. Et c'est un être qui ne travaille que pour lui. Il ne travaille pas pour autrui. Nécessairement travaillant pour lui, il laisse des résultats qui serviront à autrui. Et le grand initié ou les grands initiés que l'on connaît de par la tradition, les grands maîtres de l'humanité, seront les derniers à passer. J'ai fait une conférence sur les grands maîtres. On peut s'y référer si on veut avoir plus de nuances. Ce monde est un monde pour l'humanité. Il n'y aura plus, dans les temps à venir, de brebis et de bergers. L'homme sera individuel, il sera son seul maître. Il aura accès à un savoir instantané et à une intelligence pure, instantanément immédiate. Alors, attendre après les grands initiés, c'est attendre après un maître qui, par son attitude événementielle, va continuer à nous instruire de rester disciple. Et le disciple est toujours un peu un esclave. L'humain qui est en train de se lever, l'homme nouveau, est son seul maître. Il n'a pas besoin des grands maîtres ou des grands initiés. Certains de ces grands initiés font certains travaux. Ils font ces travaux pour eux. La grande majorité ont présentement comme fonction d'aider les forces d'involution à retenir l'homme dans sa levée debout. Ils ont eu dans l'Antiquité comme fonction d'aider l'humain à se mettre à genoux. L'humain était à quatre pattes. Maintenant que l'humain est à genoux, cela plaît aux grands initiés. Mais l'humain veut se lever debout. Et les grands initiés vont continuer à tout faire pour que l'humain reste à genoux. L'homme doit être son seul maître. Il doit se lever debout et il ne doit plus attendre des grands initiés. On ne devrait plus parler des grands maîtres, des grands initiés, des grands bichous, des grands célestins et tous ceux-là. Plus! Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque l'on en parle, c'est qu'on attend, on a de l'espoir, on attend d'être aidé, d'être sauvé. Certains parlent du retour du Christ. Quand le Nazaréen va venir, c'est pas pour rencontrer un paquet de lois humaines. Arrangez-vous pour être capable de l'aider. En sachant. Arrangez-vous pas pour être là en disant, « Ah, je vous ai attendu, cher Nazaréen. Je tends mes mains vers vous depuis le début. » Sauvez-moi, parce que vous risquez de sentir l'odeur d'une botte. J'ai écouté votre cassette sur les ondes de forme. Ça vous apprendra. Est-ce que cela deviendra une science? Cela deviendra une science individuelle où chaque humain aura la sensation, la perfection de perception, où il saura de par lui-même si l'onde de forme est la sienne, va avec lui, est nourrissante pour lui ou non. Mais ça ne peut pas devenir une science cataloguée où l'on vous dira telle couleur fait telle chose. Dans la conférence, j'expliquais, dans la conférence Attention aux ondes de forme, telle couleur émet certaines formes d'ondes de forme qui rentrent en harmonie avec la pièce, l'entourage et l'observateur. Changez d'observateur, vous changerez la nature même de l'onde de forme. Alors, on ne peut pas la cataloguer dans un livre. L'onde de forme peut s'enseigner. Ça s'enseigne au niveau du programme et du contrôleur. La détection des ondes de forme par certaines techniques, ECOFI, KENVI. La personne, elle doit apprendre à avoir suffisamment de gustation énergétique pour savoir, de par elle-même, si l'onde de forme qu'elle dégage ou l'onde de forme qu'elle perçoit va avec ce qu'elle a besoin. Elle apprendra à s'en nourrir et elle ne pourra pas prétendre que tout le monde devra le faire. La détection des ondes de forme s'apprend par l'initiation, la vie, la sensation, le sentiment et la perception, pas dans un livre. Est-il possible que deux frères se haïssent sans rien pouvoir y faire? La preuve, la question. Est-ce que l'antipathie existe réellement? C'est sûr que l'antipathie existe réellement. C'est une illusion du phénomène de l'amour. Parce que l'amour que l'humain vit est un amour qui te fait une farce. L'amour sélectif, qui n'a rien à voir avec l'amour intelligent. Alors, lorsque l'amour est mal canalisé, ça devient de la haine, de l'antipathie, etc. Où se situe le Québec présentement face à son évolution, puisqu'il n'y a presque plus de nativité? Et pourtant, on dit que c'est ici que tout va se passer. Au niveau de son évolution, le Québec se situe... Il est presque à l'ère préhistorique. Il entre dans l'ère historique, si on veut faire un parallèle avec l'évolution de l'humanité. Il n'y a plus beaucoup de naissances, c'est correct, c'est tant mieux, et c'est parfait. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la cellularisation se devait d'être opérante pour que l'évolution puisse être transmise par la génétique. L'éducation est une marque d'ajustement où on adapte un moule, l'enfant, à un autre contenant, la société. Mais l'évolution supramentale ne peut pas se faire par l'éducation. Elle se fait par la vie, par l'initiation. Et présentement, nous avons des pédagogues, mais nous n'avons pas d'initiateurs. Nous avons des parents, mais ceux-là même ne sont pas initiés. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Pour que les entités hautement évoluées du monde de la mort et pour que les esprits du monde morantiel puissent avoir des corps suffisamment adaptés au support de leur propre puissance, il faut attendre que les adultes d'une certaine région de la planète cellularisent leur évolution de façon à ce qu'ils puissent la transmettre par la génétique à l'enfant. De cette façon, l'enfant, même très jeune, sans avoir à passer par le long cheminement de l'éducation, sera capable de devenir un homme nouveau très rapidement. C'est au Québec que cela va se passer. Québec ésotérique, bouclier canadien. Alors, pendant que les jeunes n'ont pas encore cellularisé leurs problèmes, leur amélioration, ils n'ont pas d'enfants, de façon à éviter continuellement d'avoir des enfants que l'on devra éduquer. Pendant cette période de stand-by, d'attente, de stagnation apparente, l'être humain vit et va vivre des événements hautement initiatiques qui vont cellulariser, qui vont marquer son corps. Cette cellularisation va faire en sorte dans la décennie qui va venir, disons dans les 10 ans prochains, qu'à un moment donné, les adultes, les jeunes adultes, auront l'impression qu'ils doivent avoir un enfant. Pour différentes raisons intelligentes, qu'ils sauront en temps et lieu. Alors, ils procréeront, et les enfants qui viendront au monde seront les enfants qui bénéficieront de l'évolution cellularisée des adultes pendant cette période historique, début historique, fin préhistorique de cette nation qu'est le KEBEK, le Québec. Dans le même sens, la génétique influence-t-elle la psychologie et par quel moyen peut-on être violent de naissance? La génétique influence la psychologie, on peut être violent de naissance. comment surpasser le côté incontrôlable de l'émotion? On ne peut pas surpasser le côté incontrôlable de l'émotion. On ne peut pas, c'est impossible, ne pensez pas un jour arriver à contrôler le côté incontrôlable de l'émotion. Jamais l'humain ne va y parvenir. On ne peut pas contrôler une chose incontrôlable. On ne peut pas. Alors jamais l'humain ne va y parvenir. Mais une chance pour l'homme, le côté de l'émotion n'est pas incontrôlable. La question est simplement très mal posée. Comment puis-je arriver à atteindre une région inatteignable? Si c'est inatteignable, ça n'atteindra jamais. Comment arriver à contrôler la partie manipulatrice, hautement subtile de l'émotion ou de l'astral? Ça, c'est une bonne question. Comment on y parvient? On continue à faire ce que l'on fait. Il y a des techniques. Des personnes qui suivent des cours. Il y a des personnes qui suivent des événements. Il y a des personnes qui s'initient à des choses. Et il y a des personnes qui sont encore dans l'attente de certaines choses. Prenez vos décisions. Vous ne savez pas quoi prendre comme décision. La décision est prise. Vous attendez. Continuez à faire ce que vous faites. Et veut pas un jour, vous aurez le contrôle. Sauf, tant que vous allez être impatient, vous serez assujetti à l'émotion. Tant que vous allez être coléré, vous serez assujetti. Tant que vous allez être dans l'espoir, vous serez assujetti. Tant que vous allez vouloir vivre du monde spirituel, vous serez assujetti. C'est simple. Pour gagner rapidement, on doit savoir, pas connaître, pas apprendre, et on doit savoir dans l'instantanéité de l'observation qu'un nuage, c'est un nuage. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas quelle est sa fonction. C'est pourquoi c'est un nuage parfait. Un arbre, c'est un arbre. Il ne sait même pas qu'il est enraciné. Il ne sait pas de quelle façon ses racines puisent. Il ne sait pas qu'il a des feuilles. Il ne sait pas qu'il grandit. Il ne le sait pas et il n'en souffre pas de ne pas le savoir. C'est un bon arbre. L'homme, c'est la même chose. Sauf que l'homme souffre. L'homme veut savoir. L'homme veut comprendre. L'homme veut avoir tout de suite. L'homme a peur. L'homme s'inquiète. L'homme espère. Marcher dans la rue. Et marcher dans la rue. Sonnez une cloche et vous entendrez un son. Buvez de l'eau et vous aurez de l'eau dans la bouche. Si l'on fait cela comme ça et si on se contente de ça, on a gagné. Il pleut. Il pleut. Il fait chaud. Il fait chaud. Il ne fait pas trop chaud. Il pleut pas encore. Les choses sont ce qu'elles sont. L'homme s'assoit dans sa chaise. La chaise reçoit l'homme. L'harmonie est, et mon débat, et les choses difficiles à contrôler n'existent plus. Donc, ne sont plus là. L'homme nouveau ne contrôle pas son phénomène émotif. L'homme nouveau n'en a pas. L'homme nouveau ne contrôle pas sa peur. L'homme nouveau n'a pas peur. L'homme ancien veut contrôler. Et le contrôle est un désir de la chose à contrôler. L'esclave veut contrôler l'esclave. Pour devenir libre. On n'y arrive pas. Comment se libérer de la liberté? En ne voulant plus être libre, on atteint la liberté. En voulant obtenir la paix, on ne peut être en paix. En cessant de rechercher la paix, on vient déjà d'en gagner un palier. Les choses sont simples. L'homme n'est pas une chose. Il est compliqué. L'homme devrait voir les choses comme les choses sont plutôt que de voir les choses comme il voudrait que les choses soient. Comme les batteries stockent de l'énergie chimique, j'ai l'impression que l'humain fait de même pour des énergies plus subtiles. Si je n'ai pas de créativité, y a-t-il danger de surcharge? Oui. L'homme qui finalement rencontre de l'énergie est là pour la canaliser et la laisser couler. Sinon, il y aura une surcharge et il y aura des problèmes. Méditation, contemplation, concentration. Voulez-vous m'expliquer la différence? Merci. Méditation va souvent être orchestrée à partir d'un phénomène volontaire, intentionnel de l'individu qui veut méditer. Alors, il prendra un mantra, il prendra certaines choses, il s'arrangera, il se placera dans un état et il essaiera de cheminer vers cette méditation qui l'amènera peut-être à un trip astral, à un voyage spirituel, à une extase spirituelle, à un contact avec de l'ego, à un contact avec le monde de la mort, à un contact avec un maître, une farce, à un contact avec un plan supramental. La contemplation est un phénomène de perception de sentiments qui apparaît sans préparation et qui place l'individu instantanément dans un état de communication énergétique avec la chose, une forme d'extase. C'est la contemplation. On ne peut pas décider de contempler. Cela s'appelle méditer. La méditation peut, à l'insu du méditeur, devenir une contemplation. La concentration, c'est lorsqu'on est centré sur le con, sur l'ego. La concentration, c'est lorsque l'être humain essaie de prendre un paquet d'énergie qui circule partout et de les focaliser vers un point. La concentration, c'est être attentif sur une seule chose. Au niveau du PMC, les personnes apprennent à être attentifs. Être attentif, c'est comme être concentré sur tout. L'attention est proche de la contemplation. L'attention est proche de la méditation. L'attention est juste entre les deux. Est-ce que l'homme va continuer à vivre une accélération dans son mode de vie? Oui, évidemment. Plus les choses vont, plus elles vont. Depuis 2 ans, je vis une passe où je ne suis plus capable d'apprendre. Rien de neuf. Comment contourner le problème? Attendre. Dans 2 ans et demi, ça va être fini. Les arts actuels demeureront-ils toujours ou seront-ils remplacés par d'autres formes de créativité? Lesquelles? Les arts actuels, une partie de ces arts va demeurer, mais les arts vont changer dans l'attitude même de l'artiste. On va en parler un petit peu. Les arts. Prenons l'exemple de la musique. Aujourd'hui, on compose un morceau de musique et on l'apprend, on l'écrit, on l'enregistre et on le répète. Les arts vont changer un peu. Un jour, un musicien va jouer un morceau de musique. Tout le monde va entrer en harmonique avec. Et le lendemain matin, vu que le morceau n'aura pas été enregistré, que personne ne l'aura écrit, ce morceau aura disparu à jamais. Remplacé par un autre morceau neuf. Le peintre fera une peinture. Il la regardera, il s'en nourrira et il la détruira. Ce sera l'art prochain. Que pensez-vous du clonage? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur le clonage? Oui. Dis-le. Faut poser les questions convenablement, ça ajuste en même temps la parole et ça permet d'ajuster nos pensées, d'arriver à faire en sorte que l'individu pose des questions auxquelles il pourra lui-même se répondre. Le clonage, ce n'est pas dangereux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le clonage, c'est de jouer un peu avec le code génétique de façon à essayer de recréer la réplique exacte de certains individus. Autrement dit, on prend une personne qui n'est pas trop brillante et puis on en fait une copie, 3 000 à 4 000 copies, et puis on les envoie travailler dans des mines de charbon. Remarquez que le charbon, toujours dans des mines d'uranium, c'est un peu moderne. L'être humain n'y arrivera pas. Alors le clonage, c'est très intéressant, mais il n'y a pas de danger. En termes cosmiques, c'est permis. Ça donne l'illusion à la science de l'homme qu'elle sera capable de jouer avec la génétique. L'homme n'est même pas capable de laver son nombril convenablement. Et ce n'est pas le temps qu'il commence à jouer avec la génétique. Alors il s'amuse, il s'occupe. Il n'y arrivera pas. Il n'y a pas de problème. L'ajusteur de pensée et le contact, est-ce la même chose? Le contact avec l'ajusteur de pensée, c'est la même chose. Le contact avec son esprit, c'est autre chose. On a fait le tour de pas mal toutes les questions, Daniel, qui était resté en suspens depuis un certain temps et t'a donné les conférences précédentes. La prochaine conférence, la semaine prochaine, c'est l'initiation dans le couple. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, l'initiation dans le couple. C'est les vacances. C'est sûr que tu veux que je parle un peu de ce problème. Le couple. En mécanique, l'effet de couple est un effet de force. Le couple, c'est ceci en mécanique. Il y a quelque chose qui veut tourner par là, il y a quelque chose qui ne veut pas tourner. Et l'effet de couple, c'est la force d'entraînement. N'est-ce pas? C'est le couple. Alors, normalement, dans un couple, il y a une personne qui veut faire quelque chose et l'autre qui ne veut pas. C'est le couple. L'initiation dans le couple. Bon, on pourrait en parler brièvement, mais on va attendre la semaine prochaine que chaque événement avait une raison. On est dans un couple, s'il y a un problème dans le couple, il y a des raisons. Et l'être humain est dans un four, un moule, une espèce de forge où, malgré qu'il brûle, il devient de l'acier. Alors, étant donné que c'est la période des vacances, étant donné qu'il fait beau, c'est pas qu'il fait beau, alors on va vous libérer un peu plus de bonheur ce soir. Réfléchir, parler, penser pour marcher, étant donné que la semaine prochaine, nous revenons avec une conférence qui peut changer la vie de plusieurs individus, qui peut adoucir la vie de couple et qui peut permettre aussi la compréhension de bien des choses. La salle d'accueil en bas, elle est ouverte. Vous pouvez jaser, discuter, donner votre temps. Et sachez une chose, on ne doit jamais être frustré par un événement de la vie. Si on est frustré par un événement de la vie, c'est qu'on manque l'initiation. On doit faire les choses comme les choses sont faites. Alors, bonne semaine. Discutez, parlez, ajustez votre parole. Initiation dans le couple. La semaine prochaine. Thank you.